La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au menu de notre club cet après-midi, deux nouvelles candidates en route pour le concours Mathèse en 180 secondes, un voyage cosmique avec la sonde Rosetta et puis la vie sensible et intelligente des animaux. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. La résistance bactérienne aux antibiotiques est à la une aujourd'hui avec une première française. Et oui Mathieu, avec le travail de chercheurs lyonnais qui ont réussi à filmer en temps réel le partage de résistance entre différentes bactéries. On commente la vidéo dans un instant. Et c'est Frédéric Milanou qui réalise aujourd'hui ce club préparé par Irène Menahem. La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et je salue les invités de ce club, Aline Richard, Alexandra Sauvêtre, Apolline Chabenat, Jean-Pierre Bibring et Sophie Bécherel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue Alexandra Sauvêtre et Apolline Chabenat, vous avez le sourire et vous êtes les nouvelles candidates du concours Mathèse en 180 secondes. Vous passez nous voir donc dans la tête au carré avant votre prestation à l'occasion de la finale, le 13 juin prochain à la Maison de la Culture de Grenoble. Alexandra Sauvêtre, vous êtes doctorante à Sorbonne Université. Dans quel laboratoire exactement? Alors c'est le laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris, qui se situe donc sur le campus Jussieu et qui a plusieurs tutelles. Et quel est l'intitulé de votre thèse que vous avez été obligé d'écrire tellement il est compliqué, hein ? Voilà. Alors, pour faire court, ouais. Nouvelle méthode de révélation de traces papillaires par diffusion en spray de cyanoacrylate fluorescent à température ambiante. Dispositif opérationnel pour les forces de l'ordre. Voilà, ça nous fait déjà rêver, donc on va en parler dans un instant avec vous. Apolline Chabenat, vous êtes doctorante à l'université Le Havre Normandie. Quel est votre labo, Apolline ? Alors moi, mon laboratoire, c'est le laboratoire CBIO, donc stress environnementaux et biosurveillance des milieux aquatiques. Ouais. Et en même temps, je suis aussi à Caen, au NEC et tous. Ouais. Mon titre de thèse... Oui, s'il vous plaît. Modification des polymorphismes lié aux défenses vis-à-vis des prédateurs par des médicaments psychotropes chez un céphalopode et un décapode. Oh, on a envie d'en savoir plus. En tout cas, est-ce que vos collègues de labo vous ont encouragé pour Oui. Ils sont derrière vous à fond et vous écoutent là en ce moment. Oui. Bon, eh ben on les salue. Alors notre autre invité, ce sera avec vous, Sophie Bécherel, votre coup de cœur de la semaine. Oui, Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, est venu pour évoquer un magnifique livre, La Comète, édité par Xavier Barral et qui raconte une aventure cosmique époustouflante. Vous en souvenez peut-être, celle de Rosetta, partie explorer la comète Churyumov-Gerasimenko. C'est un livre pour témoigner, pour rêver, pour nous interroger sur le sens de la vie, Jean-Pierre Bibring ? Oui, et pour répondre à beaucoup des questions. En fait, c'est un livre qui est à la fois merveilleux comme livre d'art, mais c'est un livre, comme je dis toujours, qui ne fait pas que retracer une aventure. Il prend part dans cette aventure, il dit énormément de choses, essentiellement par la qualité des images qui sont dedans. Et on pourra en parler un petit peu. Il raconte à quel point Rosetta a contribué à changer des paradigmes fondamentaux, entre autres quant à la question de l'émergence du vivant. Les images sont vraiment époustouflantes. On va les décrire quelques-unes d'entre elles tout à l'heure avec vous. Et puis enfin, Aline Richard, Zivolava, vous êtes journaliste spécialiste des sciences pour The Conversation. On se retrouve régulièrement à ce micro, sauf que cette fois-ci, vous venez nous présenter un livre dont vous êtes l'auteur, qui s'appelle Dans la vie des bêtes, sorti chez Plon. Et vous avez eu envie de nous raconter la vie sensible et intelligente des animaux à hauteur d'animal, justement. À hauteur d'animal. Alors, ouais. Donc c'est un livre parfaitement anthropocentriste, où je raconte la vie de 12 bestioles en me mettant à leur place, parce que après tout j'ai droit puisque je suis aussi une bestiole, je suis une bête humaine, donc c'est une bête humaine qui raconte 12 autres bêtes. Bah, pas si anthropocentriste que ça, vous êtes un petit peu... Oui, c'est... Vous allez l'écart quand même. Oui, vous tout avez à pris fait. Du recul. J'ai pris du recul, j'ai parlé science, j'ai parlé publications scientifiques, interviews de chercheurs, mais aussi émotions, mais aussi culture populaire, notes littéraires. Et il y a tout ça dans les publications scientifiques autour des animaux. En ce moment, on se retrouve tous dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et à la une de la science, les étonnantes capacités d'entraide des bactéries filmées en direct. C'est notre une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, c'est un joli travail de visualisation et de nouvelle compréhension des mécanismes bactériens que publient des chercheurs lyonnais dans la revue Science. Ils ont réussi à filmer en temps réel la transformation d'une population de bactéries. Au début sensible à un antibiotique, elle devient résistante devant la caméra grâce à des morceaux d'ADN apportés par des bactéries voisines. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec vous, Christian Lesterlin. Bonjour. Vous êtes généticien pour l'INSERM au laboratoire CNRS de microbiologie moléculaire et de biochimie structurale de l'Université de Lyon. C'est vous qui avez piloté ce travail. Alors, ce mécanisme de partage de résistance entre bactéries, on le connaissait déjà depuis assez longtemps, les années 40, je crois. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de réussir à le filmer? Alors, tout d'abord, effectivement, on sait depuis longtemps que les bactéries ont cette capacité formidable de s'échanger de l'information génétique en rentrant simplement en contact direct. Cependant, malgré les nombreuses études qu'il y a eu sur ce sujet, on n'avait pas réellement de vision de comment cet événement pouvait se passer en direct, en cellules vivantes. Donc, c'était l'impulsion initiale du projet que de développer un système pour justement être capable de visualiser ce transfert et la conséquence pour la cellule qui reçoit cette nouvelle information génétique. Quels sont les défis quand on veut filmer des bactéries sous un microscope alors qu'elles sont bien en forme ? Alors, les défis sont multiples. Il y a d'abord le défi au niveau de l'imagerie. Donc ça, c'est les développements des techniques de microscopie à fluorescence qui permettent d'observer des cellules vivantes. Il y a également bien sûr le défi d'arriver à voir ces bactéries qui sont dans des conditions assez physiologiques, que les bactéries soient assez contentes dans le milieu dans lequel on les observe. Donc ça, c'est le développement de certaines nanotechnologies qu'on appelle les microfluidiques qui permettent de faire ce genre de choses. Et le dernier défi, qui n'est pas le moindre, c'est d'arriver à développer des systèmes génétiques qui permettent justement de révéler le processus auquel on s'intéresse. Alors ce film, maintenant, vous l'avez publié. Malheureusement, on ne peut pas le montrer à la radio. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les images que vous avez obtenues ? Alors sur ce film, on peut voir des bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique en vert. Et ces cellules sont en contact avec des bactéries qui, elles, sont sensibles et qui apparaissent en rouge. Et la première chose qu'on peut voir, c'est d'abord le transfert du matériel génétique de l'une à l'autre. Et ça, c'est révélé par la formation de points rouges dans les cellules sensibles, qu'on appelle des foyers de fluorescence. Et on voit l'étape d'après, c'est-à-dire la manière dont ces cellules initialement sensibles utilisent l'information génétique nouvellement acquise et deviennent elles-mêmes vertes, deviennent elles-mêmes résistantes à l'antibiotique. Et tout ça se passe en un petit peu moins de 2 heures. Oui, donc c'est très rapide. Est-ce que vous-même vous avez étonné quand vous avez vu les images pour la première fois apparaître ? Alors, on a effectivement été assez fasciné par la capacité de pouvoir voir cette molécule d'ADN se déplacer et se propager dans la population. Et encore plus de voir avec quelle rapidité les bactéries finalement peuvent bénéficier rapidement de cette nouvelle propriété acquise et développer des nouveaux caractères. Alors, quelles sont les bactéries que l'on voit dans votre film ? Quelles sont les stars ? Alors, les bactéries qu'on a observées sont des bactéries Escherichia coli, oui. Qui donc sont des bactéries commensales qui vivent dans l'intestin des mammifères. Donc, ce sont les bactéries qu'on a utilisées pour leur valeur de modèle, puisqu'on fait de la bonne génétique dedans. Mm-hmm. On sait les manipuler depuis de nombreuses années, donc c'est un outil de travail assez pratique. Le fait de voir ce qui se passe en temps réel, est-ce que ça vous a permis d'aller un peu plus loin dans la compréhension du mécanisme qui est un problème aujourd'hui, hein, celui du transfert de résistance aux antibiotiques ? Oui, alors tout d'abord, il y a l'aspect chronologie. On a pu mieux comprendre comment, avec quelle rapidité et quelle échelle de temps les bactéries peuvent développer des nouvelles résistances. On a pu également mettre ensuite à l'essai l'influence des conditions de ce qu'on peut rajouter en plus des bactéries dans le milieu, comme les antibiotiques par exemple. Et ça nous a permis de pouvoir poser la question de savoir quel facteur génétique était important pour que la bactérie puisse faire cette acquisition. Alors, ce qu'on voit dans votre film et la rapidité d'acquisition de cette résistance, est-ce qu'elle est valable pour toutes les bactéries, pour tous les antibiotiques ? Comment on utilise votre film maintenant ? Alors ça, c'est une question qu'on aimerait bien adresser maintenant, c'est-à-dire savoir si ce phénomène qu'on a observé dans cette bactérie en particulier est général. Est-ce que les échelles de temps sont les mêmes pour différentes espèces bactériennes? Donc la réponse est jamais non, puisqu'à chaque fois qu'on regarde un organisme différent, on découvre de nouvelles régulations. Donc ça sert vraiment de première pierre posée sur la compréhension et de référence pour ensuite essayer de comprendre justement comment ça se passe pour d'autres organismes pathogènes ou environnementaux. Il y a quand même une petite surprise dans les films que vous avez obtenus, c'est que normalement quand vous mettez cet antibiotique, les bactéries qui sont là et qui sont naïves devraient mourir, et pourtant certaines deviennent résistantes alors que l'antibiotique est présent, et ça c'est une semi-découverte, non ? Alors ça a vraiment été le résultat qui a un petit peu changé, donné une direction différente au projet, puisque en présence de cet antibiotique en particulier, qui est un inhibiteur de la synthèse protéique, on s'attendait à ce que les bactéries soient capables d'acquérir l'ADN, mais pas de faire ce qu'il faut faire ensuite, notamment la synthèse de protéines, pour devenir résistante. Comment pourrait-elle devenir résistantes si elles ne peuvent pas fabriquer la protéine, le facteur de résistance. Donc ça a été la première surprise, et c'est d'ailleurs ce qui nous a mis sur la piste des facteurs génétiques qui sont impliqués dans cette capacité qu'elles ont à acquérir la résistance, même en présence de différents antibiotiques. Voilà, et le petit film, on peut le voir sur le Facebook de l'émission. Alors pour le moment, il est sur la page de la Une, mais on va le mettre sur Facebook. Aline Richard, vous avez mis les bactéries dans les animaux, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Oui, absolument. Enfin, les bactéries, c'est un parasite, en fait, un protozoaire unicellulaire, mais ça fait partie des micro-organismes, en effet. Allez, on se retrouve dans un instant pour Le Club et Christian Lesterlin. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. Axel, à lundi. À lundi, Mathieu. Qui se perd dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde. Tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. J'suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Présentement, c'était Élodie Sauvage. C'est parti. La tête au carré. Ma thèse en 180 secondes sur France Inter. À toi. Voilà, Le Club cet après-midi, on va donc faire connaissance dans un instant avec deux nouveaux candidats de MT180. On va suivre la sonde Rosetta et puis nous mettrons dans la peau des bêtes. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alexandra Sauvêtre et Apolline Chabenat, on est très heureux donc de faire votre connaissance aujourd'hui avant cette finale de MT180 qui va nous emmener donc à Grenoble le 13 juin prochain avec le CNRS et la CPU. Ce sera sur la scène de la Maison de la Culture. Et d'ailleurs, je signale aux auditeurs de la région de Grenoble qu'ils peuvent encore essayer de s'inscrire pour avoir des places. Et vous... Ah non, c'est fini, il n'y a plus de place. C'est déjà complet, oui. Mince. Bon, alors bah, il faudra venir à la porte peut-être de la Maison de la Culture, on ne sait jamais. Au dernier moment, ça peut fonctionner pour encourager donc, les 16 finalistes. Comment se sont passées les précédentes sélections? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez aimé toutes les deux? Non, c'est quand même pas le métier, hein, être face au public comme ça, Alexandra Sauvêtre et Apolline Chabonnat. Alors, qui commence? Alors, ça va être moi, Apolline. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était un super défi. Et puis, en fait, la foule avec ses sourires, avec ses... Foule, là. Ouais, parce que c'était quand même 250 personnes pour ma finale régionale au Havre. Et donc, c'était très impressionnant, mais en même temps, c'était hyper grisant, en fait, de voir tout ce public qui est là pour nous, en fait, pendant 3 minutes. Mais c'est court, du coup, non? C'est très, très court. Et en même temps, c'est très, très lent. Ouais. Que... C'est votre moment de célébrité, mais il est très, très court. Hein. Complètement. Et vous, Alexandra? Un peu la même impression qu'Apolline, effectivement, c'est grisant, c'est assez impressionnant. Moi, je les vois passer très très rapidement, les 3 minutes, ouais. Et quand c'est terminé, on se dit, ah, on aimerait bien recommencer quand même. Ouais, ouais. Jean-Pierre Bilguering, quel regard vous portez, vous, sur ce type d'exercice-là, sur de jeunes scientifiques qui se confrontent au public, dans une ambiance très bon enfant d'ailleurs, mais... Cet aspect de confrontation au public, je le trouve ça épatant. Je trouve que on ne démarre jamais assez tôt le fait qu'il faille dire ce que l'on fait à un public de plus en plus large. Après, cet exercice de savoir résumer, c'est bien de savoir résumer en quelques mots des grandes aventures et tout ça. Mais habituer les gens à ce que, en 3 minutes, on sache dire l'essentiel, moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats, c'est en particulier sur les ondes et à la télévision. Mmh. On est trop amené à résumer par des slogans, des grandes théories, des concepts. Ouais. Et, enfin, c'est plus facile tout passe par là-dedans. C'est plus facile que de lire une publication, quand même, hein. C'est exact, mais penser qu'on peut résumer une pensée, résumer un travail de plusieurs années simplement en quelques mots, quelque part, ça dégrade une grande partie de ce qu'est la recherche scientifique en particulier. Mais je sais bien au-delà de la recherche scientifique. On l'a vu dans la campagne des élections, c'est pareil. Quand des gens ont juste une minute pour s'exprimer, voilà, ça devient des mots d'ordre, ça devient dogmatique très souvent et sectaire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours c'est bien de savoir faire ce genre de choses, c'est très utile. Résumer une thèse en 3 minutes, ça a du bon, mais ça a aussi du non-bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Apolline, Alexandra, pour répondre à Jean-Pierre Bilguering? Non, moi je suis assez d'accord, effectivement, mais on était avertis avant de faire le concours, quand on s'est engagé, on bien savait sûr. Qu'on aurait 180 oui, bien sûr. Secondes. Non, mais après... Moi, je parle pas au nom de tout le monde. En tout cas, moi, l'objectif pour moi, c'est plutôt d'intéresser les gens, de les piquer pour après avoir une discussion, les intéresser et à approfondir le sujet. Pauline. Et je pense quand même que c'est intéressant de le faire. Parce que si on le fait pas, d'autres personnes prendront le pas et on est les seuls à pouvoir expliquer notre sujet. Non, moi c'est pareil, j'ai oublié pas mal de choses de ma thèse. Il y a beaucoup d'autres expériences que je fais, mais je me suis concentrée sur un aspect de ma thèse. En effet, en 3 minutes, c'est très dur de voir vraiment les 3 ans de thèse. Mais après l'événement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais c'est génial !» et ils ont essayé d'en savoir plus, en fait. Donc, c'est vraiment pour intéresser les gens avec un format très très court. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir après, je pense, Alexandra. Ouais. C'était pareil. Alexandra Sauvêtre, vous travaillez donc dans ce domaine de la chimie de la matière condensée. Et pour faire connaissance avec votre sujet de thèse, on va tout de suite en écouter un extrait qui a été enregistré lors des demi-finales. Un crime a été commis. Serait-ce le colonel Moutard dans le salon avec le chandelier? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et ce soir, nous allons mener l'enquête. C'est parti, je vous propose de plonger avec moi dans le monde fascinant de la criminologie. Pour débuter notre enquête, il nous faut tout d'abord trouver les preuves, mais pas n'importe lesquelles. Ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les empreintes digitales. Et elles sont partout autour de nous, visibles et surtout invisibles. Mais déjà, à cet instant précis, je suis sûre que vous avez tous en tête les prouesses scientifiques de NCIS ou encore des experts. Révéler des empreintes semble tout à coup une mission presque banale. Oui. Mais encore vous faut-il, guidé par votre seule intuition, à pressentir les endroits où elles peuvent se trouver. Voilà, Alexandra, un avant-goût, évidemment, hein, de ce que ça donnera à Grenoble le 13 juin. Vous travaillez donc sur une nouvelle méthode de révélation des empreintes digitales. Ça correspond à une demande très importante, justement, dans ce domaine. Oui, c'est une demande qui a été formulée. Ah, oui. Il y a déjà, d'ailleurs, en fait, mon projet de thèse s'inscrit dans un projet plus large, qui est la NRC Nanospray. Donc, c'est un projet qui a été développé, justement, pour développer un système de révélation portable. On sait aujourd'hui révéler des empreintes, mais sur une grande scène de crime en préservant l'ADN et que ce soit rapide et efficace, ça, ouais. C'est une autre problématique. En fait, là, il y a l'idée d'utiliser les deux, c'est-à-dire à la fois l'empreinte et aussi l'ADN, parce qu'on faisait les choses séparément jusqu'à maintenant, quasiment. En fait, il faut comprendre que c'est très rare de trouver une empreinte complète. On trouve souvent des empreintes partielles ou même des traces. Ouais. Et l'objectif, une fois qu'on a trouvé là où est l'empreinte ou la trace, après, avec un goupillon, on peut aller venir et récupérer l'ADN. C'est-à-dire qu'on va pas perdre d'informations, alors qu'avec la poudre, souvent, vous êtes confiné à quelques endroits, et en plus, vous allez dégrader l'ADN. Donc même si vous avez trouvé quelque chose, après, c'est impossible de continuer l'analyse. Alors vous dites vous-même que vous avez trouvé un système astucieux sous forme de spray, justement. Oui. Alors comment ça se passe? On va sur la scène du crime et on a un spray à la main, comme ça on peut le diffuser partout? Oui. Ouais. C'est un spray contenant un réactif, donc qui contient de la colle et une molécule fluorescente. Et il suffit en fait d'asperger, donc on peut faire toute la pièce, par exemple le studio où on se trouve, c'est considéré comme une grande pièce. Entièrement? Entièrement. Ouais. C'est-à-dire on peut faire le plafond, les murs, le sol, et on peut trouver les empreintes, elles vont apparaître en fait avec une couleur. Ouais. Sous lumière visible, donc la lumière qu'on voit habituellement, et aussi dans le noir si on met sous UV. Mais ça c'est déjà utilisé ou vous êtes en cours de brevetage aujourd'hui? On a déposé un brevet. Ouais. Et donc, le dispositif sera normalement commercialisé d'ici quelques années. Donc, vous l'avez déjà testé, évidemment. Et ça fonctionne parfaitement ou il y a encore quelques limites à franchir, là? Il y a encore quelques limites à franchir. Il faut comprendre que dans ce type de projet, donc comme c'est destiné aux forces de l'ordre, nous, on a toute une étape donc de conception du procédé. Après, on a des validations dites techniques. Et après, les forces de l'ordre vont faire des validations opérationnelles. Ouais. Elles vont définir les gammes, en fait, de pression, de température, plein de paramètres dans lesquels, pour lesquels, en fait, le procédé va marcher le plus efficacement. Et donc, a priori, ce sera au point quand, si tout va bien? Alors, je ne peux pas donner de date. Ouais. Mais on verra peut-être dans les prochains épisodes des experts, justement, quelqu'un bombarder un spray. On pensera à vous, alors, Alexandra, c'est ça? Voilà. Bon, bah écoutez, ravi en tout cas. Et bonne chance pour votre thèse. Apolline Chabenat, votre sujet va beaucoup intéresser Aline Richard, puisqu'on va parler justement des céphalopodes dans un instant. Mais l'autre aussi, la police scientifique me passionne. Et pour entrer dans le vif du sujet, voici un extrait, Apolline, de votre prestation également lors de la demi-finale. Est-ce que les antidépresseurs peuvent avoir un effet sur le camouflage de la sachet du crabe? Alors au quotidien, j'élève des sachets des crabes dans de l'eau contaminée aux antidépresseurs, puis je leur fais passer tout plein de tests pour voir si justement ils deviennent de bons espions. Je leur donne des missions, je les mets dans des milieux différents, puis je regarde justement s'ils se camouflent si bien. En parallèle, je leur donne tout plein de tests pour savoir s'ils sont stressés ou non, s'ils restent immobiles ou s'ils se font remarquer, s'ils mangent bien, c'est le check-up complet. Et jusqu'ici, j'ai découvert que mes sachets mes crabes qui se baignaient dans une eau contaminée aux antidépresseurs avaient un meilleur camouflage que leurs confrères et leurs consœurs qui se baignaient dans une eau pure. Étonnant, non? Alors oui, on aurait l'impression qu'ils deviennent de meilleurs espions. Mais j'ai découvert qu'ils n'arrivaient plus vraiment à s'alimenter. Comme quoi, être un bon espion a un prix sur son alimentation. Apolline Chabenat, drôle de truc, hein, votre thèse quand même. Pourquoi vous donnez des antidépresseurs aux sèches et aux crabes, alors exactement? J'ai pas bien compris ça. Alors c'est assez simple, à chaque fois que vous prenez un médicament, en fait il va passer dans votre corps, mais après il va se retrouver dans vos toilettes. Quand vous tirez la chasse, ça va passer dans les égouts, etc. On va arriver à la station d'épuration. Et finalement, ça va pas être aussi bien filtré qu'on le veut. On va retrouver quand même une petite concentration qui va se déverser dans nos rivières, nos fleuves. Puis en fait, on va la détecter en mer. Donc la détection, nous, les antidépresseurs que j'utilise, c'est entre 0,3 et 5 nanogrammes par litre. C'est comme la dilution qu'on pourrait trouver en mer, par exemple? Oui, complètement. Moi, j'utilise vraiment des doses environnementales. Comme dans le milieu naturel. C'est ça, exactement. Et donc en fait, 5 nanogrammes par litre, je sais pas si ça parle à tout le monde. Pas vraiment, non. C'est un milliard de fois plus petit qu'un gramme. Oui, donc c'est pas beaucoup quand même. Mais on le détecte et on peut le quantifier. Donc on s'est vraiment posé la question, mais en fait, s'ils sont en contact avec des antidépresseurs, est-ce qu'ils pourraient... À des doses si faibles Est-ce qu'ils pourraient avoir des effets sur leur camouflage et aussi sur leur alimentation? Aline Richard qui trépigne. Ouais. Oui, avec mes tentacules. Ça me fait penser aux travaux qui ont été réalisés sur les poissons de rivière et sur les particules médicamenteuses. Dans le Rhône en particulier. Voire perturbateurs endocriniens, c'est un peu le même type de travail en toxico, ce que vous faites? Bah alors c'est vraiment de l'écotoxicologie, donc c'est vraiment l'impact des polluants sur l'organisme, qu'ils soient animal ou végétal, et moi je vais vraiment m'intéresser aux sèches et aux crabes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les met dans un milieu avec des antidépresseurs, du coup? Ils font la tête ou ils se camouflent mieux, c'est ce que vous disiez? Il y a un lien direct entre l'antidépresseur et le camouflage? Oui, alors parce qu'en fait, l'antidépresseur, il faut savoir que chez l'homme, ça va avoir un impact sur une molécule qui s'appelle la sérotonine. Tout le monde en a peut-être déjà entendu parler. En tout cas, nous, on le retrouve dans notre cerveau et quand on en a beaucoup, ça veut dire qu'on est plutôt de bonne humeur, mais quand on en a très peu, on est dans un état dépressif. Et en fait, nous, on s'est demandé, mais en fait, la sérotonine, on la retrouve aussi chez la sèche et le crabe, et cette fois-ci, elle va avoir un impact direct sur le changement de couleur. Donc en fait, on a fait le lien en se disant, mais en fait, si on trouve des antidépresseurs qui peuvent avoir un effet sur la sérotonine, est-ce que ça pourrait pas avoir un effet sur le changement de couleur chez la sèche et le crabe? Et c'est le cas ou pas? Oui. Donc il se camoufle mieux, comme je l'ai dit dans l'extrait. En fait, on a découvert que sur certains fonds, donc là c'est un fond gris uniforme, ils vont se camoufler mieux que ceux qui sont dans des conditions contrôle, donc dans une eau de mer filtrée, donc sans antidépresseurs. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont moins stressés ou... Non, alors ça va jouer sur, en fait, la sérotonine, elle va contracter les cellules. En fait, il faut vous dire que c'est des cellules avec plein de pigments à l'intérieur, et elle va les contracter, donc elle va leur permettre de devenir plus uniforme. Donc c'est une forme un peu passive de mieux se camoufler. Sophie? Vous dites dans l'extrait que ça a un impact sur leur alimentation. Est-ce que ça va conduire à des animaux plus petits? C'est une bonne question. Alors moi, j'ai fait mes études là sur la croissance des animaux. J'ai pas trouvé de différence. Mais après, c'est des conditions de laboratoire. Ils ne se nourrissent pas moins alors. En fait, c'est des conditions de laboratoire, donc je vais pas non plus les affamer. S'ils mangent pas, je vais leur laisser leurs petites crevettes. mais en fait, ils mangent moins pendant les 5 premiers jours, juste après l'éclosion. Et Apolline, dernière question. Est-ce qu'il y a des applications à ce travail de recherche fondamentale au départ? Mais ça peut mener à quoi alors après? Alors c'est plutôt fondamental justement, il n'y a pas forcément d'application. Moi je travaille sur une autre manip en ce moment, où en fait je vais prendre de la peau de sèche et puis je vais appliquer directement des antidépresseurs et d'autres molécules médicamenteuses. Et là j'ai découvert que ça avait déjà un effet rien que sur la peau, même pas sur l'animal en fait, c'est vraiment sur la peau. Ouais. Et on va voir qu'il y a les chromatophores qui vont se contracter ou se relaxer de façon différente. Bon, si on souhaite connaître toute l'histoire, eh bien, on va à Grenoble donc le 13 Exactement. Juin pour vous écouter à l'occasion de la finale de MT180. Et puis on peut déjà voir les vidéos des prestations des différents candidats sur le site mt180.fr. Vous restez avec nous dans un instant, on fait un voyage cosmique ensemble vers Tchouri, la comète. This thing a little bit differently. Every man does this thing a little bit different. Satisfaction guaranteed. I'm not showing my full hand now. Ooh, I'm too old to cry, but it hurts too much to laugh now. Differently, c'était Alani. La tête au carré, le club, sur France Inter. Vous voyez les réactions, la confirmation vient d'arriver, vous allez voir probablement la petite case touchdown qui va s'allumer, on va voir ça. En tout cas du côté de l'ESA, on semble évidemment très heureux, reste à voir cette confirmation. Okay. Bien, nous sommes en direct, je crois. Donc, on ne pourrait pas être plus heureux que ce que nous sommes actuellement. Nous confirmons que la Terre serait sur la surface et je vais demander à Stéphane maintenant d'évaluer la situation actuelle. Voilà, c'était le 12 novembre 2014, Jean-Pierre Bibring, vous avez d'ailleurs étonné d'entendre ce son, mais c'était l'arrivée de Philae sur la comète Chury après le voyage dans Rosetta, parce qu'il faut, tout résumer. Non, mais ça a mis du temps, 12 ans tout même, pour arriver à destination. Et donc Jean-Pierre Bibring est là pour parler d'un magnifique livre, un livre qu'il a co-écrit, on va dire, encore que il y a 150 photographies sur 100 000 qui ont été prises par l'instrument Osiris. Et je disais donc, c'est un livre pour rêver, pour s'interroger sur le sens de la vie, mais et puis qui résume aussi cette aventure. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on a doté la sonde Rosetta d'un appareil photo pour la communication ou parce que scientifiquement, cela a pu vous apprendre des choses ? Quand on voit ce livre-là, on se dit... Je pense que la réponse est dans la question. On a évidemment sélectionné des instruments pour essayer de comprendre ce qu'est cette comète et ce sont des instruments scientifiques. Ce livre, et c'est ça qui est remarquable, il fait quelque part partie de cette exploration. C'est-à-dire que je suis pas dans l'idée de séparer la science d'un côté, ce qu'on a fait, ce que les scientifiques ont pu faire, puis ensuite la traduction pour ce que vous appelez de la vulgarisation, c'est-à-dire la mise au public de tout ce qui a été fait. C'est bien sûr une démarche très importante, mais ce livre, quelque part, il va plus loin, je trouve. Et c'est pour ça qu'après toutes les missions, il y a toujours des ouvrages qui résument, qui traitent, etc. Mmh. Je crois vraiment que ce livre, et c'est pour ça que moi j'étais très content de répondre à l'invitation de ce monsieur, Xavier Barral, qui est un éditeur absolument remarquable, qui, pour chaque livre qu'il a fait, a réellement... réalisé un exploit, et il n'a pas fait bien sûr que des livres scientifiques, il n'en a fait que deux. Il avait travaillé sur les affaires martiennes il y a quelques années, puis celui-ci. Mais il fait tout un tas d'autres livres dans toutes les autres directions, et à chaque fois, la manière qu'il a de travailler le noir et blanc, quand c'est le cas ici, la mélanger des noirs d'une manière absolument incroyable, choisir le papier, choisir le format, etc., met le livre dans une toute autre perspective. Et c'est vrai que feuilleter ce livre, ça ne fait pas que... traduire quelque chose, ça ne fait pas que traduire ce qu'une expérience a été remarquable, effectivement, cette mission, mais ça va plus loin que ça. Il l'a traduit aussi au niveau de la manière même dont les images ont été acquises. Vous avez tout le processus photographique qui est dedans, la manière dont on extrait les artefacts, etc. Il n'y a pas que les images, d'ailleurs, de loin, il n'y a pas qu'Osiris que vous citiez, qui est bien sûr très importante. Toutes les images qui ont été prises, y compris les images de très près à partir de Philae, des images qu'on a prises sur des grains qui ont été connectés dans l'espace, l'ensemble est là, qui permet, je pense, au lecteur d'avoir une idée plus intégrale de cette mission-là. Mais ça montre à la fois que les images traduisent quelque chose de très important, mais l'image peut aussi trahir quelque part, parce qu'une image, par exemple, vous voyez ces images avec des noirs et des gris absolument extraordinaires, ouais. Et on a tellement dilaté la dynamique qu'on a l'impression qu'il y a des montagnes et des champs de neige. Ça c'est vrai, on se croit parfois. Absolument. Le granit de Bretagne ou en haut d'une montagne. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que les légendes et les quelques textes qui sont dedans sont importants aussi, parce qu'ils vous montrent comment, sur une image comme cela, et c'était la même chose d'ailleurs pour les scientifiques, la réalité n'est pas que dans le noir et blanc de l'image. Par exemple, sur cette comète, une des premières choses qu'on a découvert, c'est que, alors qu'on pensait que c'était une comète, un énorme bloc de glace essentiellement, puisque l'eau se vaporise quand ça passe près du soleil, il n'y a pas une trace d'eau à la surface. Et quand je dis pas une trace, c'est pas une trace d'eau à la surface. L'ensemble du matériau que l'on voit sur les images, et c'est une des choses qui m'émeut peut-être le plus, c'est de la matière carbonée, complexe vraisemblablement, dont on a compris qu'elle est vraisemblablement à l'origine de toute cette filière d'évolution qui a donné naissance aux vivants sur Terre. On en parle dans ce livre et je pense que c'est même visible dans les images. Et donc... une énorme uniformité de la composition, mais dans des structures tout à fait différentes. Des structures que, bien sûr, qui se retrouvent après dans ce qu'on appelle l'activité cométaire, et il y a de très belles images de cette activité. Et d'ailleurs, c'est le même éditeur qui avait fait le livre sur l'évolution avec les squelettes, hein, qui était un livre extraordinaire, et on retrouve vraiment cette patte. Cette beauté. Alors, il est un petit peu chronologique, parce qu'il faut quand même pas oublier que pour arriver à destination, il y a une sorte de billard cosmique, et donc au passage, la sonde a pris des photographies de Mars, de la Lune, de quelques astéroïdes. Et de deux astéroïdes, absolument. On ne va pas en ligne droite quand on est une sonde. Non. Cette mission Rosetta, non seulement elle a duré 10 ans pour arriver, mais avant 10 ans, il a fallu 10 ans pour la construire, puis quelques années pour obtenir que les agences spatiales... C'est 30 ans de... C'est ce que l'on dit d'ailleurs dans ce livre. C'est 30 ans de nos vies. On n'a pas fait que ça, bien sûr, mais c'est quand même 30 ans de nos vies. Et quand on remonte en arrière, quand on a démarré ça, l'exploration spatiale n'avait pas 30 ans, elle était toute jeune. C'est-à-dire que quand on a démarré cette mission, on s'est dit qu'il faut aller voir une comète pour des raisons qui nous semblaient importantes, qui étaient que les comètes formées très loin, qui n'ont quasiment pas évolué, ont gelé les propriétés du système au moment où les planètes allaient se former. Et on a là probablement le matériau à partir duquel l'ensemble du système solaire a évolué, et en particulier donc ce que porte la Terre, c'est-à-dire le vivant. Et on a voulu aller de près, pour la première fois, aller à sa rencontre. Eh bien, en 30 ans, bien sûr, les technologies ont fait énormément de progrès. Et si on dit que cette mission a été un vrai succès et que ce livre en fait partie, c'est que les expériences qu'on a conçues à l'époque, avec les technologies de l'époque, elles étaient là pour essayer de répondre à des questions qui étaient les questions de l'époque. Or, les questions aujourd'hui n'ont rien à voir avec les questions de l'époque. Et pourtant, ce livre est pas du. C'est ça qui est incroyable. Voilà. On se dit pas que c'est. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Pour concevoir des expériences qui vont répondre beaucoup plus tard aux questions qui se poseront beaucoup plus tard. À l'époque, on ne connaissait pas la diversité dans le système solaire. On ne savait pas ce que voulait dire l'émergence de la vie. On ne savait pas, etc. Toutes ces questions-là sont arrivées progressivement. Et Rosetta et Philae se sont trouvés à un moment donné devoir adresser, comme on dit en anglais, ces questions-là. Eh bien, c'est effectivement pour ça que cette mission est extraordinaire. Parce qu'elle a vraiment changé des paradigmes très importants quant à l'idée que l'on se fait des processus qui vont conduire au vivant sur Terre. On n'en avait évidemment pas tellement d'idées précises de cette comète. Vous souvenez-vous du sentiment qui vous a habité quand vous avez découvert qu'elle était composée de deux lobes, ce qui nous a conduit à la comparer à un petit canard? Oui, ça s'est passé un 14 juillet en plus, donc je me souviens bien, c'est le 14 juillet 2014, on était à l'étranger sur une autre mission quand on a reçu ces premières images. Personne ne s'attendait à cela, évidemment, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Et non seulement il avait une forme étrange, mais il tournait vite sur lui-même, et plus on se rapprochait dans les minutes et les heures et les jours qui ont suivi, plus on s'est aperçu que non seulement il avait une forme étrange qui tournait très vite, mais il était bourré de structures à la surface. Et la première réaction qu'on a eue, c'est de dire, on n'arrivera jamais à se poser sur cet objet-là. Comment est-ce qu'on va être capable d'identifier même un endroit où on a une petite chance de se poser, et une fois qu'on sera posé, de ne pas trébucher, et de rester à peu près droit. Il y a de la caillasse. Surtout, oui, et ensuite de pouvoir communiquer avec Rosetta qui restera en l'air. Donc pour les gens comme moi qui étaient très impliqués dans Philae, c'est ce sentiment que l'on a eu. Matt, 7 Happy H, Imhotep, Champollion bien sûr, et derrière ces 26 régions que vous avez ainsi baptisées. Oui, c'est... Bon, si ça s'appelle Rosetta, c'est que il y a 30 ans, on s'est dit que ça sera la manière d'avoir accès à nos origines et donc d'utiliser ce que Rosetta, la pierre de Rosetta a été, c'est-à-dire le moyen pour Champollion, bien sûr, de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est un peu la même chose. On voulait déchiffrer un petit peu les traces de ce cheminement qui a donné naissance aux vivants sur Terre. Et c'est important d'avoir les régions de la comète? Non, alors... C'était donc très... parce que Rosetta, c'était une ville, évidemment, en Égypte, on a décidé qu'un certain nombre des instruments porteraient des noms de divinités égyptiennes. Et quand il s'est agi de donner des noms qui n'étaient pas des noms pour le grand public, quelque part, c'était essentiellement pour que les scientifiques puissent repérer des endroits qui, à nouveau, ne se distinguent pas par la composition, mais par des structures un peu autres. On voulait être sûr qu'on va parler des mêmes endroits et des mêmes choses. Donc, on a même fait un réseau de cartographie à la surface, et on a donné ces noms-là. Mais c'est presque une fantaisie, c'est pas ça le plus important. La question d'ailleurs s'est posée de savoir si on allait ou pas nommer les régions qui sont sur ces images. On a pris la décision de le faire parce qu'il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, dans le public potentiel, sont intéressés à retrouver effectivement des régions dont ils ont entendu parler par ailleurs, ou qui peuvent lire des publications scientifiques qui vont essentiellement se focaliser sur telle ou telle région. En tout cas, c'est un très très beau livre. Voilà, ça nous dit que c'est tout un monde. Xavier Barral. La comète, le voyage de Rosetta, Jean-Pierre Mühring et Hans Zischler. Et vous restez avec nous dans un instant, on parle animaux, intelligence et sensibilité. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine et dit tiers monde. Et qui dit fatigue d'y réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse Stromae à l'instant. Le club sur France Inter. J'étais content qu'il parte faire une promenade. Plus rien maintenant ne pouvait interrompre ma sieste. Oh, oh. Enfin, presque plus rien. Non, j'ai pas envie de jouer avec toi, Odie. Oh, bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Voilà un extrait de la série Garfield pour introduire le livre d'Aline Richard Zivolava avec cet ouvrage Chez Plomb, dans la peau des bêtes, la vie sensible et intelligente des animaux. Et justement, ce sont les chats et les chiens qui sont les premiers servis dans les chapitres. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez, Mathieu? Ce sont des animaux très charismatiques. On en a tous eu ou on en aura tous un jour un chien ou un chat. Comment vous avez fait la sélection, justement? Alors, pour étudier l'éthologie, parce que c'est quand même le sujet aussi de ce livre, c'est tous les travaux autour des animaux qui sont menés. Tout à fait. Ce que j'avais envie de faire, c'est de relater sur un ton très grand public les derniers résultats de la recherche en éthologie, de la recherche sur les animaux. Et donc évidemment, j'ai favorisé par exemple le poulpe, par exemple les corvidés, les corbeaux, parce qu'il y a des nouvelles choses. Mais je dois dire, c'est aussi un choix complètement personnel, parfaitement arbitraire. Ouais. Et j'ai eu envie finalement, à chaque chapitre et à chaque bestiole, de raconter une histoire qui puisse se raisonner aussi avec des préoccupations d'aujourd'hui. On parlait hors micro à l'instant du requin-baleine. Le requin-baleine, c'est le plus gros poisson. C'est 34 tonnes, c'est ça? Ouais, c'est une grosse bête. Ouais, c'est vraiment considérable. 3000 dents, mais elles sont minuscules. Donc c'est les gentilles dents de la mer. C'est ça. Mais on le pourchasse, cette bestiole, on la pourchasse parce que on veut quoi? On veut les ailerons. Évidemment, sur un animal aussi gros, ça rapporte beaucoup d'argent. Mmh. Et à chaque chapitre, j'ai essayé, comme ça, de donner des informations d'actualité. Au point de parler à la première personne, Oui, ça s'appelle Dans la peau des bêtes et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, en fait, je me considère comme une bête. Je suis une bête humaine. Oui. Et donc, finalement, je peux me mettre dans la peau du rat, dans la peau du sanglier, dans la peau du moustique. Oui. Alors, il y a un chapitre pour Apolline Chabenat, hein, sur le poulpe, justement, en une effet. Intelligence sous les mers. C'est vrai que cet animal est complètement fascinant, quand même. Hein. Il est fascinant. Et mais on n'arrive pas à découvrir ses capacités. Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait ma thèse. En fait, j'avais regardé un reportage de Thalassa sur les pieuves. Et en fait, ça m'avait fasciné. Ils sont doués vraiment d'une intelligence incroyable. Et ouais. Ils pouvaient ouvrir des bocaux alors qu'ils n'en avaient jamais vu avant. C'est... Tout à fait. D'ailleurs, Ludovic Dickel, qui est le chercheur de que vous connaît. Le connaissez d'ailleurs, Apolline. C'est le directeur du laboratoire de Caen. Ah ben voilà. que je suis allée voir sur place et que j'ai interviewé, a eu une formule qui est très frappante et un peu effrayante. Il a dit, voilà, c'est une moule avec l'intelligence d'une souris. Et c'est un peu... L'image est bizarre, mais c'est bon. Un peu curieux. Oui. C'est un peu curieux, mais ça veut bien dire que c'est un invertébré et que normalement, ces bestioles-là n'avaient aucun intérêt auparavant et qu'on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement riches de sensations et d'intelligence. Ouais, et les scientifiques pourraient passer des heures à les regarder dans les aquariums. Enfin, c'est dingue, absolument, quoi. Hein. Absolument. Ouais. Ludovic me racontait que quand il était à Naples, je crois, à l'aquarium où il y a pas mal de pieuvres, il leur serrait, non pas la louche, il leur serrait la tentacule et il avait l'impression d'être reconnu. Ouais. Alors, ce qui est étonnant quand même aussi, et ce que vous rappelez à juste titre, c'est que beaucoup de ces animaux sont là depuis des millions d'années et qu'ils ont passé, même pour certains, les grandes extinctions. Et donc, il y a quand même un problème qui se pose aujourd'hui. Les requins, par exemple, enfin quand même, par rapport justement à leur chasse. Absolument. J'ai voulu aussi raconter l'évolution à mon niveau, mon niveau de journaliste scientifique. Je ne suis pas scientifique moi-même, mais j'ai voulu effectivement rappeler que ces bestioles-là, elles sont sur Terre, elles le sont depuis très très longtemps, plus ou moins selon les animaux. Sauf que là, elles sont en train de disparaître à une vitesse ahurissante. Hein. Absolument. Et le s'il y avait un message du livre, ce serait de dire que en fait, nous sommes l'espèce dominante depuis 350 000 ans que Homo sapiens a émergé sur cette planète. On est l'espèce dominante, mais ce sont nos commensaux au sens strict du terme. Ils sont à la même table. Ce sont des espèces compagnes et des compagnons de planète et nous devons les respecter et nous devons faire avec de façon importante. Apolline Chabenat, qu'est-ce qui vous fascine chez la seiche ou le crabe? Ouais, déjà, c'est des animaux où c'est vrai qu'on, surtout la seiche, on a vraiment l'impression d'avoir un alien en fait en face de nous. Ça ressemble à rien vraiment. Ok, on a deux yeux, on a les bras, on a les tentacules. Ça change de couleur très rapidement, ça se cache, ça crache de l'encre. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et pareil pour les crabes, ça a une capacité de se camoufler assez dingue. En fait, on a pas ça en tête, surtout pour les crabes. Et non, ça me fascine. Je peux rester des heures devant l'aquarium. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on parle vraiment d'intelligence aujourd'hui pour ces animaux-là, avec des capacités cognitives, enfin vraiment des choses tout à fait particulières. Oui, il y a des thèses au laboratoire en ce moment qui se font sur la mémoire, en fait, et donc essayer de reconnaître, en fait, un animal par rapport à un autre, une balise, en fait, donc juste un petit carré blanc avec une flèche, et elle va le reconnaître en fonction des jours, en fonction des odeurs qu'on lui présente, etc. Ouais. Alors, dans ce sous-titre de votre ouvrage, Aline Richard Zivolava, La vie sensible et intelligente des animaux, il y a la sensibilité, évidemment, qui est reconnue maintenant chez l'animal, en tout cas en France, et puis son intelligence aussi, avec tous ces travaux qui se succèdent les uns derrière les autres et qui nous font vraiment regarder le vivant autrement. Prenons la famille des corbeaux, qui, alors ça a fait l'objet de pas mal d'études d'éthologie récentes sur leur intelligence, sur leur capacité à prévoir l'avenir. Alors bon, il y a une anecdote qui est assez connue, qui est celle de cette corbeille noire au Japon, dans la province de Sendai, qui souhaite manger une noix et qui n'arrive pas à la casser avec son bec et qui attend, qui se poste à un feu rouge et qui attend que ça passe au vert, que la voiture des et jette la noix qui est écrasée par la voiture et voilà l'oiseau qui a son repas. C'est quand même une intelligence des situations absolument époustouflante, je trouve. Et donc, il y a beaucoup de recherches en cognition animale. C'est quelque chose de très actif. Est-ce que ça change le regard, à votre avis, sur les animaux aujourd'hui? Est-ce qu'on est quand même, on a basculé dans quelque chose de nouveau, même si on l'entendait récemment dans La Tête au Carré, c'était même hier dans notre émission avec Alain Prochian, qui justement affirmait que Homo sapiens reste une espèce tout à fait à part par rapport aux autres animaux. Quelle est votre idée, vous, là-dessus? Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Nous sommes une espèce à part. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une espèce dominante. Moi, je ne fais pas de mélange des espèces ou de mélange des genres. Je pense que c'est important de poser les choses. Maintenant, j'espère bien que le regard va évoluer. J'espère bien qu'on va considérer que je chapitre sur la vache, par exemple, avec les fermes aux 1000 bestioles et l'exploitation. J'espère bien qu'on va quand même évoluer. Ça me paraît drôlement important. Il y a aussi un sujet dont il faut parler et que j'évoque à la fois dans le chapitre sur le rat et le chapitre sur le sanglier. Le chapitre sur le sanglier s'appelle un sauvage dans la cité. Et c'est vraiment pour dire que, en fait, le sanglier, c'est un animal des bois, c'est un animal forestier. Il n'avait pas vocation à venir dans nos villes. Vous savez qu'à Berlin, à Vienne, en région parisienne, les bestioles arrivent, ruinent les jardins, c'est absolument terrible. Mais il n'avait pas vocation à venir. C'est bien nous qui, en nous installant dans nos petites maisons à l'orée des forêts... Avant grignoter son territoire. Absolument, hein. Ouais. C'est nous qui mitons les territoires, donc il faut pas... Et je pense que ça, c'est important à comprendre. De même les rats, alors personne n'aime les rats, mais... Les Parisiens s'en plaignent qu'ils commencent sans faire la moindre morale, ça ne m'intéresse pas, mais qu'ils commencent déjà à faire un peu attention à leurs petites ordures quand ils vont pique-niquer dans les parcs. Il y aurait peut-être moins de rats. Ouais. Mais ça, c'est le problème de toutes les espèces au fond au monde, dans beaucoup beaucoup de pays. C'est justement le fait qu'on empiète maintenant sur le territoire de tous ces animaux et qu'on se retrouve à vivre confrontés les uns avec les autres. Oui, éléphants dans les plantations en Afrique, tigres dans les forêts du Bengale. Ces animaux, on les a effectivement éjectés un peu de leur territoire, de leur habitat. Et ben, ils veulent continuer à vivre. Ouais. Alors c'est toute une façon de vivre aussi qu'il faut repenser. Du côté de l'humain, par rapport à même à notre façon de consommer, de jeter nos déchets, par exemple. On se plaint beaucoup des rats, mais on a une responsabilité aussi sur notre environnement urbain. On a tout à fait une responsabilité. Moi, je pense qu'il faut juste les prendre en compte, penser qu'elles sont là, ces bêtes, penser que c'est nos compagnons de planète, comme je disais tout à l'heure, et faire avec. Et dans les laboratoires, justement, Apolline Chabenat, il y a beaucoup la question de la souffrance animale aussi qui joue, parce qu'on en discutait également en antenne tout à l'heure, donc on va en faire profiter les auditeurs. Mais vous disiez, il y a certaines choses que je ne veux pas faire avec mes sèches et mes crabes, tout simplement pour des questions d'éthique. Oui, alors moi déjà, j'adore les animaux, donc c'est vrai que pour moi déjà, c'est assez dur de faire de l'expérimentation animale. Mais surtout, récemment, les céphalopodes, donc les sèches, les calmars et les pieuvres, sont passés sous un nouveau décret, donc en fait ils sont considérés comme des vertébrés, donc ouais. Grâce à leur intelligence, et donc en fait on n'a plus le droit de faire tout ce qu'on veut au laboratoire. Comme moi avec mes crabes, j'ai pas vraiment de règles qui s'appliquent pour les euthanasier, par exemple. Ouais. Donc oui, pour moi c'est très très important, c'est très important le bien-être animal, et on essaie de réduire aussi le nombre d'animaux qu'on euthanasie, etc. Enfin, c'est vraiment discuté ça entre chercheurs, oui. C'est une problématique qui est très présente dans vos travaux, puisque ils sont directement liés à ces animaux. On a en fait normalement dans chaque laboratoire qui utilise des animaux sous ce décret-là, ont une cellule d'hygiène et sécurité, une cellule éthique et bien-être animal. Donc en fait il y a vraiment des gens qui se rassemblent et qui disent ok, on a fait telle manip, on a envie de faire du bien à l'animal. Et d'éviter les souffrances inutiles. Sophie Béchal. Rappelons que les chercheurs sont soumis à la règle des 3 R, ouais. Remplacer, réduire, raffiner. Donc merci professeur Béchal. Elle nous dit ça en pointant avec son stylo sur sa feuille, mais vous avez absolument, 3 R. Absolument raison. Le moustique aussi, alors ça c'est le tueur en série quand même. C'est l'animal qui tue le plus d'humains au monde. Absolument, quand même, le moustique, absolument. Je rappelle les chiffres qui sont quand même assez terribles. C'est l'animal qui tue... c'est 700 000 personnes par an, c'est ça, à peu c'est près. Ça. Exactement, ouais. Un petit peu plus, je crois. Et donc là, alors, c'est pareil, il y a les moustiques, ils sont très nombreux, très divers, Il y a beaucoup d'espèces qui ne sont absolument pas gênantes pour les êtres humains, sauf une petite piqûre, c'est pas dramatique. Il y a quelques espèces qui sont porteuses de maladies et c'est vraiment celle-là qui pose problème, et notamment le désormais célèbre moustique tigre qui a débarqué à Paris, absolument, dont je fais mon personnage. Et donc lui pose problème. Alors je raconte comment nous humains on essaye de l'éradiquer. Et ça s'appelle Dans la peau des bêtes, la vie sensible et intelligente des animaux. C'est chez Plon, livre que vous signez Aline Richard Zivo-Lava. Merci beaucoup d'être passé dans le club cet après-midi. Professeur Bécherel, il nous reste encore un petit peu de temps pour l'agenda du week-end. Qu'est-ce qui se passe en France du côté de la science? Si vous allez à Saint-Étienne, à la Rotonde, le centre médiation scientifique, vous y trouverez une exposition intitulée Supra. Ouais. Supra pour évidemment supraconductivité. C'est donc de la physique, mais avec un petit peu de magie, si l'on considère que la supraconductivité permet à des objets de léviter ou à l'azote liquide de couler à flot. Ce phénomène qui annule les résistances par le magnétisme fascine à la fois les scientifiques et les artistes. Et comme on est à Saint-Étienne, eh bien, les réalisations des élèves des écoles d'art et de design sont aussi présentés. Voilà, cette exposition, c'est jusqu'au 1er juin. Attention, demain, exceptionnellement, elle est fermée. Au ciné-club de l'Institut Poincaré à Paris, mercredi sera projeté Will Hunting, le film de Gus Van Sant, sorti en 1997, où Matt Damon et Ben Affleck étaient quasiment des adolescents prépubères. Ouais. C'est l'histoire d'un jeune orphelin maltraité qui vit dans un squat. Il est marginal, il est balayeur à la prestigieuse université Harvard. Il entretient son cerveau, malgré tout, et il va se révéler être un génie des mathématiques capable de démontrer deux théorèmes laissés sur un tableau noir par un professeur. Le principe du ciné-club à l'Institut Poincaré, vous le savez peut-être, c'est de confronter les spectateurs évidemment au film, mais aussi discuter après. Discuter. Et donc mercredi soir, Anne Sietti, psychopédagogue en mathématiques, sera là, ainsi que Thierry Dias, professeur de mathématiques. C'est donc à 19h30. Enfin, le numéro 9 de la magnifique revue Relief est sorti, consacré aux fleuves. Voilà, vous savez combien je chéris cette revue qui rassemble des histoires de science, des récits de fiction ou historiques, de l'aventure, du voyage. C'est un MOOC rempli de cartes, d'illustrations, au style désormais identifiable. Donc dans cet opus, eh bien, on parle de l'anatomie et les pathologies des fleuves, au fait de vivre avec les fleuves comme enjeu de géopolitique. Il y a un entretien avec Eric Orsena qui s'y intéresse depuis peu. Voilà, c'est comme d'habitude une mine dans toutes les bonnes librairies. Relief. C'est en librairie, effectivement. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne chance pour MT 180, mesdames. Merci, merci beaucoup.